On me pardonne mes silences sur tout ce qui m'est arrivé. On m'a frappé d'insouvenance. Ma mémoire, on l'a lessivé. Ma mémoire, on l'a lessivé. Oubliez toute circonstance de ce que j'ai pu traverser. On m'a lavé de mon enfance et j'ai dû tout imaginer. Et j'ai dû tout imaginer. Suis perdu dans mon innocence comme d'autres dans leur péché. Mais rien n'a vraiment d'importance puisqu'à la fin on est gommé, puisqu'à la fin on est gommé. On me pardonne mes offenses si l'on se prend pour l'offenser. Mais qu'on m'épargne les outrances des fous d'un Dieu humanisé. Des fous d'un Dieu. Certains apprécient mal la chance qui les a frappés d'être nés. Grand gaspillage d'existence. La vie, c'est se tromper. Même la vie, c'est se tromper. On peut refuser l'ignorance qui nous empêche d'avancer. Sélectionner l'indépendance, choisir sa propre intégrité, choisir sa propre intégrité. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé, à bord d'un grand rêve. Ceux qui voient partout l'indécence feraient bien de s'interroger. Sont-ils nés d'une déchéance?